vois-tu, humanité, où cours-tu? Sais-tu seulement pourquoi tu ne t'en sors pas? Trop de bouffe, trop de pleurs, des illusions, cris d'erreur. Par tout sourire, tu t'envoles, tu n'es plus que symbole. Que reste-t-il pour nous, rêve amour fou, courant de baisers tendres? Faudrait-il apprendre la souffrance, les jours sombres, attitude d'un trop grand nombre? Je sais pourtant qu'ils existent, ces gens qui insistent. C'est formidable, c'est la demande toute la fable. Artisan du meilleur comme du pire, humanité, je te hais, je t'admire. Je t'admire.